fête commence. Si beau c'est sa deal. Moto, Luanda plus Irlande. Kalou Didia sans tous les boss. Priscilla Lodi. Thomas Maketo. Tourna poulet fumé. Ivo poulet yamboka. Mabeza wapi. Moto na moto na sa dépanne na ye. Nengeza la ka. Moto na chéri na ye. Ye ye ye ye ye ye ye. Edgar na cimenta. De vous présenter Corinne Selemani Bisonia Sotofana na kiti pour na si bon c'est sa dit la moto. Nian se chante silence. Maman, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, si bon c'est yeah, yeah, papa. Soka y'a de nakoua, mon bébé. Gino c'est les Hollandais noirs. Roca moi tailleur à moi qui c'est ici. Amelia Chinana. Oh mal mine micro. Pour les légumes gofana na kiti. Motoni mi ambo ma ya boulo yo. Ya moi comme ya boute mawa. Aboute mawa. Alain Pipen Hollandais. Ma chérie Nyon sauva sauvé la yango. Il paraît qu'il tient moins ça plus que voiture. Et son salarié, et son salarié d'action. Ça dit le comique qui tient goûtement. Si pour ce comique qui tient sur ses lèvres. L'incontournable Patrick Yamone. Ah, sur ses lèvres, Patrick Luca dit James Bond. De Birmingham. Avouté, pour la bilingue qui tient. Télécom. Fabrice Luemba la force tranquille. Si boss héritier minime. Ma pate kwe ya nangote. Ozota la litolo. Neti ma pate kwe na se. Egilit kabeya. Mamo chéri ta papa. Neke mou. Moto bolingo na ye komi singa dige. Caresse, pas tendresse, affection, yo pe singa et mati singa likolo. Riche maquette, soda makas, na lion, ou qui pomba, nians, au boni kit, tout ça qui n'a pas, tout ça qui n'a salon, tout ça qui va dans la TV, non, qu'elle est. Elle est gagnante dans la kitty, dans la kitty bilingue. Oh yo kitty bilingue, kitty bilingue. Souka na mo, côté le baya ya ya ya côté le. La Cléopâtre Ali Chibang. Inosa ya ya ya. Asosele wongo Jenny Lopez. Bijou de Kualanga, na maki ekanga. Si koto pota na piste, mama moto. Jimmy Kininga, Mister Swag, na Bruxelles. Patrice Moto, maître Zibeba, Zibeba. Eh, bana bakala Fabrice, yeyo. Rafale, Moto. Il est long au paradis. Il est dans la tuée. Raïs. Toussaint Lombas. Eric Poulet. Robert Choussa. Sina. Lema. Ornella Bonina, Siko Raïs, Yo toka lisolo Josiane Keta tozala kina mama toke na matanga moka na ngaba awa siko tokomi na matanga bato nyonso balali na litoko Simon Bidi fani tolobite popesa biso kiti po kiti ya matanga ezaka mwele lenge tofandi na kiti emotion temele kaki tobandi kolela mama olela ngapeno kasi moni kiti weza kiti Deborah Mbaya Kataleya oyo kiti suka nango kotele ba yaya kotele moto Bob Galiano Arthur Az Jimmy Maniema Linda Keta Zinga Niyao Armando Fouti et Angamoko Jenny Lopeko Lopez Grâce Kala Lanangola Elle est sénateur et Carlos Marqueria Diegis Patron Voyou Pedro Zemando